La Bible David Martin 1855. Première épître de Saint Paul à Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par le commandement de Dieu, notre Sauveur, et du Seigneur Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon vrai fils en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Suivant la prière que je te fis de demeurer à Éphèse, lorsque j'allais en Macédoine, je te prie encore d'annoncer à certaines personnes de n'enseigner point une autre doctrine, et de ne s'adonner point aux fables et aux généalogies, qui sont sans fin, et qui produisent plutôt des disputes, que l'édification de Dieu, laquelle consiste en la foi. Or la fin du commandement, c'est la charité, qui procède d'un cœur pur, et d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. Desquelles choses quelques-uns s'étant écartés, se sont détournés à un vain babile, voulant être docteurs de la loi, mais n'entendant point ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils assurent. Or nous savons que la loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est point donnée pour le juste, mais pour les iniques, et pour ceux qui ne peuvent point se soumettre, pour ceux qui sont sans piété, et qui vivent mal, pour des gens sans religion, et pour les profanes, pour les meurtriers de père et de mère, et pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui commettent des péchés contre nature, pour ceux qui dérobent des hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et contre telle autre chose qui est contraire à la saine doctrine. Suivant l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, lequel évangile m'a été commis, et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, c'est-à-dire, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le ministère. Moi, qui auparavant étais un blasphémateur, et un persécuteur, et un oppresseur, mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'ai agi par ignorance, étant dans l'infidélité. Or la grâce de notre Seigneur a surabondé en moi, avec la foi, et avec l'amour qui est en Jésus-Christ. Cette parole est certaine, et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le premier. Mais j'ai obtenu grâce, afin que Jésus-Christ montrât en moi le premier toute sa clémence, pour servir d'exemple à ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu, seul sage, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Mon fils Timothée, je te recommande ce commandement, que conformément aux prophéties, qui auparavant ont été faites de toi, tu t'acquittes, selon elles, du devoir de combattre en cette bonne guerre, gardant la foi avec une bonne conscience, laquelle quelques-uns ayant rejeté, ont fait naufrage quant à la foi, entre lesquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent par ce châtiment à ne plus blasphémer.